Avec Audiolib, écoutez le prix Renaudot 2017, lu par son auteur. Il se familiarise avec la topographie de Buenos Aires et se sent minuscule devant le damier, une puce insignifiante, lui qui terrorisait tout un royaume il n'y a pas si longtemps. La disparition de Joseph Mengele, d'Olivier Guèze, un livre audio disponible en librairie et sur audiolib.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Thomas Negaroff, historien des États-Unis, vient de faire paraître chez Talendier un ouvrage intitulé Little Rock 1957 et sous-titré L'histoire des 9 lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique. Franck Ferrand a choisi de le recevoir cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Lorsque je vous aurai raconté les événements de Little Rock, vous voudrez forcément en savoir plus et c'est là qu'interviendra Thomas Negaroff. Je suis heureux qu'il ait pu se joindre à nous en cette fin de semaine. Et le vendredi, c'est le jour du coup de cœur dans Au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est celui de Thierry Geffrotin. Thierry viendra nous parler du week-end musical qui se prépare à la Philharmonie de Paris et dont le titre vous donnera une idée, Flashback. Bach, B-A-C-H, évidemment. Ah oui, musique classique. Pour le moment, nous plongeons... Oh, est-ce que c'est classique, Bach? C'est universel, oui, surtout. C'est vrai, c'est vrai. Nous allons plonger au cœur de l'histoire de la ségrégation en plein Arkansas. Nous sommes donc vers la fin des années 1950. A priori, qu'y a-t-il d'inhabituel à voir 9 ados américains se rendant à l'école par une belle matinée de septembre? Rien de plus normal, me direz-vous. Pourtant, cette matinée-là n'est pas tout à fait ordinaire. Nous sommes le 4 septembre 1957, pas n'importe où, dans le sud profond, en Arkansas, un des États les plus racistes, les plus ségrégationnistes de l'Amérique de l'époque. Les Noirs y subissent quotidiennement intimidation, persécution, violence de la part de toutes sortes d'extrémistes, de racistes, de membres du Ku Klux Klan. Le gouverneur de l'État est un certain Orval Phobus. Alors il faut imaginer un homme aux cheveux blonds lissés sur le crâne et qui cautionne les violences. Et quand je dis qu'il les cautionne, on pourrait presque dire qu'il les alimente. Vous allez voir ça. Or, ce 4 septembre 57, dans la ville de Little Rock, pour la première fois, des élèves noirs ont été autorisés à faire leur rentrée des classes dans un lycée jusque-là uniquement réservé aux blancs. 9 lycéens noirs ont donc été sélectionnés pour intégrer le prestigieux Central High School, un bel édifice. Vous savez, on est aux États-Unis, hein, c'est ces espèces d'architecture néo-victorienne, là, comme ça, avec des escaliers majestueux. Parmi ces jeunes élèves, une certaine Elizabeth Eckford, adolescente de 15 ans, qui ce matin-là a revêtu son chemisier blanc le plus élégant, jolie jupe bouffante, on est en 1957. Elle se prépare avec excitation à cette rentrée scolaire. Elle a la fierté d'avoir été sélectionnée. Elle s'imagine déjà en train de gravir les marches de l'établissement, la tête haute. C'est un beau moment pour elle. Et lorsqu'elle prend le bus pour se rendre au lycée, le bus traverse d'abord le quartier noir de la ville, qui est délabré, poussiéreux, puis ensuite il rejoint le quartier blanc nettement plus résidentiel. Elle ne sait pas encore que le gouverneur de l'Arkansas, donc le fameux Phobus, a prévu d'empêcher l'entrée des 9 lycéens noirs dans l'établissement. Elle n'a pas conscience qu'il a promis que si des élèves noirs se présentaient à la porte de l'établissement, le sang allait couler. Voilà ce qu'il a dit, carrément. Elisabeth descend du bus tranquillement, elle se dirige à pied vers le lycée. Or, à mesure qu'elle avance, elle entend de plus en plus distinctement le vacarme d'une foule. Foule qui, visiblement, s'est massée devant le lycée. Il y a là des centaines de manifestants, il y a bien sûr des journalistes, des reporters, etc., attroupés devant les portes du lycée, mais aussi des soldats armés, des militaires qui paraissent passer un par un les élèves qui veulent rentrer. Il n'y a que des élèves blancs pour l'instant. Et lorsqu'Elisabeth se présente devant la porte, eh bien, les soldats l'empêchent d'entrer. La jeune fille s'inquiète, elle a peur d'être en retard. Vous imaginez, c'est le premier cours, c'est le premier jour de l'année. Elle voudrait rater ça sous aucun prétexte. Bien sûr, elle demande l'heure à un des soldats. Celui-ci la repousse, il l'envoie vers la foule des manifestants. Et voyant qu'il est déjà 8h05, il n'y en a plus que 5 minutes, Elisabeth se dépêche, il faut qu'elle trouve une autre entrée. Seulement, les manifestants lui bloquent le passage. Ils se rapprochent d'elle, ils l'enserrent, si vous voulez, comme dans un étau. La jeune fille tente de forcer de nouveau le barrage des soldats, mais les militaires se mettent à lever leurs armes. Il ne s'agit pas du tout de laisser passer. Les cours, maintenant, ont déjà dû commencer. C'est en tout cas ce que se dit Elisabeth. Quelle honte d'arriver en retard pour ce premier cours. Or, la foule se met à devenir vraiment hostile. Certains manifestants brandissent des affiches « Race Maximis Communism », la mixité des races, c'est le communisme. Et le communisme, à l'époque, inutile de vous dire que c'est pas bien vu aux États-Unis. Plusieurs lycéens blancs portent autour du cou des pancartes indiquant « Nous n'irons pas à l'école avec des nègres, lutter contre l'intégration », etc. Et soudain, dans la foule, quelqu'un lance en direction de la la jeune fille « Renvoyez cette négresse dans la jungle !» Certains se mettent à lui cracher dessus, à l'insulter. On la menace, elle est complètement effrayée, la pauvre, tenaillée par la peur, tremblante. Elle se met à marcher d'un pas qu'elle veut assurer pour essayer de fuir cette foule hostile. Elle ne voudrait pas courir, il ne s'agit pas non plus de trahir sa peur. Un groupe de jeunes lycéennes blanches marche derrière elle et se met à chanter « 2, 4, 6, 8, we don't want to integrate ». Et c'est une sorte de comptine raciste, si vous voulez. Et il y en a même une qui hurle « Rentre en Afrique ». Les soldats observent la scène de loin, ne bougent pas. Les 8 autres lycéens noirs qui devaient intégrer eux aussi ce matin-là, le lycée, n'ont pas réussi à entrer, bien sûr. Ils subissent de leur côté le même genre d'humiliation. Je me suis attaché au pas d'Elisabeth, mais on aurait pu prendre d'autres cas. Certains ont réussi à fuir. Bref, ils rentrent chez eux. Seulement Elisabeth, elle, est un peu coincée. Autour d'elle, désormais, il y a des manifestants et des manifestants qui hurlent « Lynchez-la, lynchez-la, lynchez-la, qu'on la pende à un arbre !» Vous imaginez ça, la jeune fille panique. Elle tremble, elle doit à tout prix trouver un moyen de s'enfuir. Elle cherche des yeux l'arrêt du bus, elle marche droit vers la station, elle s'assoit sur le petit banc. Seulement, le bus n'en finit pas, le bus n'arrive pas et les manifestants sont toujours très en colère. Elle sait que le pire peut lui arriver, Elisabeth. Elle a en tête les lynchages que régulièrement les Noirs du sud des États-Unis peuvent subir, ces terrifiants spectacles de pendaison auxquels une partie de la population vient assister en habit du dimanche. On vient se délecter de façon macabre de ce genre de spectacle. La jeune fille a en tête des images effrayantes dont les Blancs, certains en tout cas, font des cartes postales. Ces corps noirs pendus aux arbres, ces fruits étranges, comme les appelle la chanteuse Billie Holiday dans sa célèbre chanson Strange Fruits, chanson adaptée d'un poème de 1939. Elle chante, Billie Holiday, « Les arbres du sud portent un fruit étrange, du sang sur leurs feuilles et du sang sur leurs racines, des corps noirs qui se balancent dans la brise du sud, un fruit étrange suspendu au peuplier, scène pastorale du vaillant sud, les yeux révulsés, la bouche déformée, le parfum des magnolias doux et printaniers, puis l'odeur soudaine de la chair qui brûle. » Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Nous sommes cet après-midi, grâce à vous, Franck Ferrand, en 1957, à Little Rock, dans l'état de l'Arkansas, aux États-Unis. 9 lycéens noirs doivent intégrer pour la première fois un lycée traditionnellement réservé aux Blancs. On vient de le vivre avec vous. Mais ils subissent de violentes humiliations. Alors, une question quand même, à cette époque, que dit la Constitution des États-Unis sur la ségrégation raciale ? Alors, il y a la Constitution et puis il y a la jurisprudence. N'oubliez pas qu'on est aux États-Unis et jusqu'au début des années 50, la jurisprudence, c'est celle de 1896, l'arrêt de la Cour suprême qui s'appelle Plessy versus Ferguson. Cet arrêt autorise les États à prendre des mesures de ségrégation raciale, y compris dans les écoles. Doctrine qu'on a appelée « séparés mais égaux ». Je trouve plus juste de dire égaux, mais séparés d'ailleurs, parce que c'est plutôt ça l'idée. En 54, pour la première fois, la Constitution change. 3 ans plus tôt, une jeune noire, Linda Brown, rappelez-vous, on avait raconté cette histoire, elle s'était vue refuser l'inscription dans une école blanche située à quelques mètres de chez elle. Elle était obligée de se rendre dans une école noire située à plusieurs kilomètres à pied. Elle était obligée de s'y rendre à pied, en tout cas, à plusieurs kilomètres de son domicile. Et son père a engagé un procès et finalement, il avait obtenu gain de cause. Donc en 54, la Cour suprême rend l'arrêt Brown versus Education qui abolit la doctrine dont je vous parlais, séparer mes égaux, et rend illégale la ségrégation dans les écoles. Mais vous voyez bien que c'est avec cette affaire de Little Rock, on se rend compte, on voit à quel point l'application n'est pas évidente. Donc si on revient à notre affaire du 4 septembre 1957 et à notre Elisabeth, à la suite des persécutions, la jeune fille finalement a réussi quand même à grimper dans un bus, elle rentre chez elle, saine et sauve, comme ses 8 autres camarades d'ailleurs, et dès le lendemain, il y a une photographie d'elle, photo prise par un photographe qui était parmi ceux qui étaient là ce matin-là. Hein. Cette photo fait le tour de l'Amérique et elle va provoquer une vague de révolte. Car l'Amérique, cette fois notamment toute l'Amérique du Nord, s'indigne contre cette injustice subie. Et le premier à se révolter, c'est le président en personne, c'est Eisenhower. Eisenhower intervient dans l'affaire, il est furieux contre cette décision illégale, anticonstitutionnelle du gouverneur de l'Arkansas, de Phobos. Le président annonce publiquement qu'il a l'intention de faire respecter la Constitution, qu'il nomme de nouveaux juges fédéraux progressistes dans le sud des États-Unis et qu'il exige que le gouverneur coopère avec la justice fédérale. Vous allez me dire, c'est un peu la moindre des choses, mais aux États-Unis, ce genre de choses n'est jamais vraiment acquis. Je veux que les Américains reconnaissent ce qu'est l'Amérique, affirme le président Eisenhower, les valeurs sur lesquelles elle s'est construite et qu'ils fassent tout leur possible pour être à la hauteur de l'Amérique que les pères fondateurs ont voulu. Voyez qu'on en revient toujours. Nous parlions de Benjamin Franklin il y a quelque temps. On en revient toujours à l'esprit des pères fondateurs. Ce sont eux qui font passer certaines pilules un peu difficiles. Le 14 septembre 1957, Eisenhower organise une rencontre avec le gouverneur Phobos. Il lui impose sa décision. Une nouvelle rentrée des classes va être organisée. Seulement cette fois-ci, la garde nationale de l'Arkansas veillera à ce que les 9 lycéens noirs entrent sans encombre dans leur lycée. Et dans les journaux, on commence partout à parler des neufs, les neufs de Little Rock. Les journalistes se pressent à Little Rock devant la maison d'une militante des droits civiques, Daisy Bates, qui a recueilli les jeunes gens et qui leur offre des cours de rattrapage pour qu'ils ne prennent pas de retard sur leurs leçons, en attendant la nouvelle rentrée. Et pendant un moment, le gouverneur Phobos tente de s'opposer à la décision du président des États-Unis. Il essaie de temporiser, il affirme que les changements imposés par la décision de la Cour suprême ne peuvent être appliqués en une nuit. Seulement, que voulez-vous qu'il fasse ? Il finit par céder. Une deuxième rentrée est donc prévue le 23 septembre pour nos 9 lycéens. Et à 7h30 du matin, ce jour-là, les 9 se préparent. Vous imaginez que pour eux, ça n'est pas une simple rentrée des classes. Hein. Entre parenthèses, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Ils ont la peur au ventre, bien sûr. Ils sont conduits par des voitures de militants des droits civiques. Les voilà maintenant aux portes du lycée. Ils vont devoir entrer d'ailleurs par des portes latérales pour éviter la masse des manifestants qui se sont réunis là. Ils parviennent à entrer donc dans l'école, seulement à peine à l'intérieur de l'enceinte. Ils sentent les regards haineux. Ils entendent les premières insultes et ils voient les crachats. Ils sont dispersés. Chacun se trouve dans une classe différente. Or, en plein cours, les intimidations, les menaces continuent. Et à la pause, c'est pire encore, puisque là, cette fois, certains sont malmenés, à tel point que des policiers doivent intervenir venir les chercher pour les ramener chez eux. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à faire cette toute modeste intégration de neuf lycéens noirs. Vous imaginez ça quand même. Il n'est même pas 11h du matin quand ils sont évacués. Et quand le président Eisenhower apprend les événements, alors là, cette fois, il est absolument furieux et il réagit de manière radicale. Il retire au gouverneur Phobos le contrôle de la garde nationale de l'Arkansas et il envoie plus de 1000 soldats de la 101e division aéroportée de l'armée américaine, cette fois on plaisante plus du tout, des milliers de soldats qui donc ont pour mission d'escorter ces neuf malheureux élèves, dans leur nouveau lycée. Et c'est ainsi que deux jours plus tard, on est donc là maintenant le 25 septembre 57, à Little Rock, a lieu, j'allais dire, une troisième rentrée, nouvelle tentative de rentrée des classes, vous imaginez, pour ces neuf jeunes gens. Cette fois-ci, ils vont se rendre à l'école sous escorte militaire dans leur propre pays. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de 9 lycéens noirs qui ont bouleversé l'histoire de l'Amérique. Nous sommes en 1957 dans l'Arkansas et ces 9 lycéens, Franck, tentent de faire leur rentrée scolaire. Nous sommes le 25 septembre, c'est la troisième tentative. Vous imaginez, dans la nuit qui précède, celle du 24 au 25, hein, certains d'entre eux reçoivent des menaces téléphoniques. « Nègre, on sait où tu habites, on va venir cette nuit, si tu viens au lycée demain, ce sera un bain de sang, etc. » Enfin, des menaces ouvertes. Le matin du 25, donc, les jeunes gens sont réunis dans la maison de toujours cette militante, Daisy Betts, dont on va parler dans un instant. Des journalistes sont présents tout autour de la maison. À l'intérieur, il y a des pasteurs qui sont venus bénir les enfants. Ils récitent tous ensemble une prière et l'un des pasteurs appelle Dieu en aide pour ce jour historique. Vous vous rendez compte où on en est? Et c'est dans des jeeps de l'armée américaine que les gamins vont rejoindre leur établissement. Et pendant ce temps-là, dans le lycée, les parachutistes ont été déployés, ils patrouillent. Le général Walker rassemble tous les élèves blancs pour les prévenir qu'ils n'ont rien à craindre de ses troupes. Certains élèves lancent cependant aux soldats « Go home ». De nombreux élèves manquent à l'appel ce jour-là. Ils ont refusé d'aller en classe. Est-ce que certains ont eu peur des événements ou tout simplement, pour manifester leur désapprobation, beaucoup ne sont pas venus. 9h22, les 9 enfants noirs pénètrent donc dans le lycée, chacun escorté par un soldat armé. Alors il faut imaginer la presse et les photographes, bien entendu, les flashs qui crépitent comme ils peuvent le faire en 1957. Au-dessus, il y a un hélicoptère de l'armée quand même qui survole la scène. Dehors, des manifestants se sont massés. Ils vont être très vite dispersés par la troupe et quelques manifestants tentent néanmoins de résister, de se révolter. Ça se passe pas très bien. On leur assène des coups de baïonnette, etc. À l'intérieur du lycée, les 9 élèves noirs restent en permanence escortés par leur garde du corps. Donc évidemment, la personne n'ose protester. Et à midi, à la cantine, quelques blancs viennent même s'asseoir avec eux. Parce qu'il faut quand même pas oublier cet aspect-là. Heureusement, on a envie de dire. Ce jour-là, Martin Luther King va envoyer un télégramme au président Eisenhower. « J'aimerais vous exprimer mon sincère soutien pour votre décision afin de restaurer la loi et l'ordre à Little Rock. À long terme, la justice doit naître d'un nouveau climat social. Vous devez savoir qu'une immense majorité des gens du Sud, noirs et blancs, sont résolument derrière vous. » Toujours cette volonté de conciliation chez le pasteur King. Quant au gouverneur de l'Arkansas, à Phoebus, là, il ne s'avouera pas vaincu, loin de là, nous dit Thomas Negaroff. Le lendemain, il prononce en effet à la télévision un discours. On le voit brandir la une d'un journal local qui montre un homme blanc ensanglanté blessé par la baïonnette d'un soldat. Et le gouverneur affirme que l'Arkansas est désormais un territoire occupé, que la démocratie est détruite, que les États-Unis ne sont plus une république. Vous vous souvenez sûrement que Paris était très tranquille durant l'occupation allemande et c'est calme aussi à Budapest aujourd'hui, dit-il, en pleine guerre froide, alors que Budapest depuis un an à l'époque est devenu le symbole, bien entendu, de l'occupation soviétique. En réalité, le gouverneur sait très bien qu'il a perdu la bataille et que désormais l'intégration est lancée et qu'elle ne pourra faire que progresser. Pendant le mois qui suit, pendant les semaines qui vont suivre, les 9 lycéens, les 9 noirs là, restent escortés par les soldats. Vous imaginez ça? Seulement à partir du 1er octobre, on décide que la protection a assez duré. Il faut qu'ils assument, ils peuvent commencer une scolarité normale. Alors, normal, c'est un gros mot parce que pendant tout le reste de l'année, ces 9 lycéens vont continuer à subir quotidiennement des insultes, des crachats, des menaces. Ils deviennent véritablement les hommes et les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles de la cause. À la fin de l'année, après avoir reçu leur diplôme, ils seront reçus pour une tournée d'hommage à travers les États-Unis. Ces jeunes gens qui n'avaient encore jamais quitté leur État seront même accueillis à la Maison Blanche. En ce qui concerne Elisabeth, celle que nous suivions au début, rappelez-vous, après le lycée, elle fera des études d'histoire. Ça devait être quelqu'un de très bien, cette Elisabeth. Et puis, elle décidera de s'engager comme civile dans l'armée américaine, considérant qu'elle avait une dette envers ses soldats qui avaient, d'une certaine manière, ces jours-là, avaient été des anges gardiens. Bonjour Thomas Negaroff. Bonjour. Votre ouvrage s'intitule Little Rock 1957 et vous nous racontez ces événements, vous nous les racontez comme si on y était avec sur la couverture la fameuse Elisabeth justement dont je parlais tout à l'heure. Elle est toute belle, toute pimpante mais on la sent sérieuse et grave bien entendu. Oui, c'est un moment que vous avez rappelé qui est un moment majeur, c'est cette photo qui sera dans les journaux que vous évoquiez, tous les journaux américains, et y compris d'ailleurs les journaux du monde entier, en France aussi, cette photo prise par un jeune photographe, Will Counts, qui la prend à un moment très intéressant. C'est au moment pile où vous avez Elisabeth qui marche avec ses lunettes de soleil qui permettent d'éviter à la foule de voir qu'elle commence à sangloter. Et oui, on devine des larmes derrière ses lunettes. On voit au fond des soldats et une foule derrière elle, des jeunes filles du même âge qu'Elisabeth, et notamment une jeune femme, le visage déformé par la haine. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le masque de la haine. Voilà, qui s'appelle Hazel Bryan, et qui, précisément, au moment où la photo est prise, est en train de dire « Go back to A, click, Africa, rentre en Afrique ». D'où le A, la bouche ronde. D'où le A, oui, déformé, effectivement. C'est Hazel Bryan, effectivement, cette photographie va changer beaucoup de choses dans les mentalités américaines. Oui, il faut bien dire que depuis la guerre de sécession, depuis le président Lincoln, depuis tout ce qui s'est passé, donc pas si longtemps que ça avant, on va dire 8-9 décennies, voilà, les mentalités ont beaucoup, beaucoup progressé aux États-Unis, mais pas tant que ça dans le Sud. La preuve, quelle est, d'après vous, est-ce qu'on peut donner une idée du pourcentage de la population blanche hostile à cette intégration des jeunes noirs, en fait? C'est extrêmement difficile parce que il n'y a pas de sondage, bien entendu. Oui, bien sûr. Quand j'ai enquêté sur cette histoire, donc 60 ans après, il y a encore une petite musique qui nous dit « Mais les gens qui étaient là, les voitures garées, des manifestants n'étaient pas de la ville de Little Rock, mais des comtés ruraux autour. » Donc c'est toujours très difficile de mesurer l'opinion publique, ce qui est clair. Certains qui, à une certaine époque, avaient une opinion, peuvent changer d'opinion et vouloir camoufler leurs Absolument, idées. Absolument, et c'est bien ça qui s'est joué. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est effectivement de voir donc non seulement l'idée que c'est une histoire du passé et qui est éloignée de la réalité, en tout cas d'aujourd'hui. Et puis, il y a les Blancs. Les Blancs, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Vous avez, et les Noirs non plus d'ailleurs, vous avez des Blancs qui sont, comme ceux de la photo, très hostiles, prêts au lynchage d'une extraordinaire violence. Souvent d'ailleurs des classes les plus défavorisés de la société américaine, ce qu'on appelle les white trash, vraiment le bas vraiment de l'échelle sociale, et qui craint absolument de voir les Noirs avoir les mêmes droits qu'eux. Oui. Que leur restera-t-il à ces gens-là? Et cette haine, vous l'avez évoqué aussi, du métissage. Et puis vous avez des Blancs, des classes plus favorisées, qui n'ont pas à partager la vie quotidienne et ces lycées qui seront déségrégés un jour, et qui, eux, sont très favorables à l'idée de l'intégration, dont ils n'auraient pas à subir les conséquences. Voilà, ça aussi, bien sûr. Et même du côté de la communauté noire, vous avez aussi une partie de la communauté africaine-américaine qui, au contraire, trouve que ça va trop loin, que c'est trop dangereux et qu'il ne faut pas autant revendiquer ses droits. Alors on va revenir sur l'ensemble de ces événements et sur un certain nombre de figures hautes en couleur, notamment cette militante extraordinaire, là, c'est Daisy Bates, qui a joué un rôle très important. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Quelques notes de Sidney Bechet cet après-midi sur Europe 1 pour nous plonger au cœur de ces années, cette fin des années 50 aux États-Unis. Nous sommes à Little Rock, la capitale de l'État de l'Arkansas, avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité Thomas Negaroff. Il est historien, il enseigne à Sciences Po Paris, et il est l'auteur de Little Rock, 1957, l'histoire des 9 lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique. C'est un livre paru chez Talendier. Il faut dire, Thomas Negaroff, que vous êtes rendu, bien sûr, à Little Rock. Hein. Vous êtes allé sur place, et vous avez mené votre enquête dans des fonds d'archives, ça se passe comment? Quels sont les sources dont on dispose en dehors de la presse? Alors, il y a les archives Eisenhower, donc là, c'est dans le Kansas, hein, c'est pas à Little Rock. Il y a les fonds d'archives de Daisy Bates, et puis il y a les témoins. Et c'est quand même Vous avez rencontré des témoins. Oui, et notamment Elisabeth, hein, qui est une femme. Ça semble tellement loin, votre histoire, quand vous l'avez racontée, cette histoire. En réalité, c'est ça des fait gens 60 qui, ans. Voilà, c'est des gens qui ne sont pas des vieillards. Hein. Sur les 9, il y en a un qui est décédé, il en reste 8. Daisy Bates, en revanche, est morte, la plus âgée, oui, qui était la militante des droits civiques. Mais ils ont 75, 76 ans. Et j'ai effectivement eu la chance d'en rencontrer 5 survivants de cette histoire. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y en a 3 que j'ai vus dans le lycée, qui faisait une conférence, qui m'a permis ensuite de les rencontrer et de les rencontrer plus longuement après. Et croyez-moi, c'est une vraie histoire. Ils faisaient leur conférence dans ce lycée dans lequel ils ont eu tellement de mal à entrer. Et il y a eu, à ce moment-là, on était à l'été 2016, une tornade. Et ils sont restés coincés dans le lycée. Ah bah, décidément. Quel symbole. Ouais. Ils n'arrivent pas à en sortir. Et symboliquement, c'est ça leur histoire, en fait. Ces gens-là sont dans ce lycée depuis 1957. Et en particulier, Elisabeth, qui est certainement le personnage le plus émouvant pour moi. Comment est-elle? Quel genre de personne est-elle? C'est une femme qui, comme on me l'a dit avant de me la présenter, qui a ses bons et ses mauvais jours. Elizabeth Eckford. C'est quelqu'un, voilà, c'est Elizabeth, celle de la photo, qui est certainement la plus timide à l'époque et qui a le plus souffert de cette histoire. Et quand je l'ai vue, elle avait dans sa poche une quantité de médicaments qu'elle a étalés sur la table devant moi. Et je me suis un peu étonné, mais et donc elle a souri, c'était un bonjour. Elle m'a dit, je suis un peu hypochondriaque. Et puis après, elle m'a dit, mais il y a certains de ces médicaments que je dois prendre depuis le 4 septembre 1957. Ah, ouais. Vous voyez, vous me demandez l'enquête, c'est dans ces moments-là que ça vaut le coup parfois d'aller sur les lieux. Parce que cette histoire... Ça, on ne peut pas le deviner. Eh bien, on ne peut pas le deviner. Et c'est comme ça, par ces petites choses-là, qu'on voit le poids de l'histoire, de la mémoire et du traumatisme. Vous pensez que ces 9 jeunes lycéens étaient conscients du symbole qu'ils incarnaient? Ils avaient une dimension entre guillemets militante, voire de martyr un petit peu d'une certaine manière, même s'ils n'ont pas été, Dieu merci, n'ont pas été blessés, tués. Mais en tout cas, ils étaient ceux qui incarnaient un moment d'histoire. Chacun a une histoire du racisme dans son histoire personnelle. Chacun vous raconte ou raconte dans leur mémoire telle ou telle humiliation enfance, cette place à laisser dans le bus, le regard de la mère qui demande de ne surtout pas réagir à l'enfant de peur des conséquences. C'est ce manège où sur le cheval de bois, il n'y a tout à coup pas de place pour l'enfant noir alors que manifestement ce cheval est libre. Chacun a cette histoire-là. Et chacun aussi, parce qu'on les a aussi choisis pour ça, sont des très bons élèves à l'école. Et veulent réussir à l'école. Il y en a un de ceux-là, son engagement, c'est quand il est au collège un jour, dans son collège noir, il y a un cours de sciences naturelles. Et il y a une grenouille à disséquer. On a tous fait ça à l'école. Sauf que la grenouille, il y en a une seule pour toute la classe. Et donc il s'approche et il voit rien. Il y a le bureau de l'enseignant et puis la grenouille, il n'arrive pas à voir. Il rentre à la maison et il apprend par des copains que dans le lycée blanc, dans le collège blanc, il y a une grenouille par élève. Enfant, bah oui, évidemment. Et donc ça... C'est ça qui l'a chevillé au corps. Et quand il est dans la foule, en train de courir devant les gamins, les autres, les blancs qui lui courent après, qui veulent le lyncher, il pense à la grenouille. Donc, est-ce que c'est être militant que de vouloir avoir les mêmes droits que les autres? Je ne sais pas. Ils ont été des icônes, probablement sans le vouloir. Ils sont inscrits, vous savez, tout seuls. Ce n'est pas les parents qui les ont inscrits. Ils ont été statufiés au sens propre? Est-ce qu'ils sont devenus... Ils sont statufiés. Oui. Il y a effectivement une statue avec les 9 devant la mairie et devant le Capitole. C'est-à-dire qu'ils sont encore vivants, ils voient la statue qui les représente. C'est pas mal. Ça, c'est vrai. En revanche, belle récompense. En revanche, leur maison d'enfance, à part Elisabeth qui est restée sur place, qui en dit long aussi sur ton traumatisme, tous sont partis du Sud. Tous. Ah oui. Et leur maison, et c'est notamment mon ange gardien qui m'a véhiculé dans tout ce monde africain-américain du Sud et qui m'a amené devant chacune des maisons en ruine, où la végétation reprend ses droits, vous voyez ce genre de maison, pas une pancarte, pas un panneau, rien de cette histoire, de cette mémoire. Et bien sûr, on essaie de balayer ça, bien on entendu. On balaye l'histoire. Cet ange gardien auquel vous faites allusion, ça n'est pas Daisy Bates, puisqu'elle n'est plus de ce monde, mais c'est une militante des droits civiques, néanmoins. Oui. Comment s'appelle-t-elle, elle? C'est Annie Abrams. Mm-hmm. Je suis très ému de parler d'elle ici. C'est une femme, comme il en fait, comme le Sud s'est en faire naître, une femme en couleur, avec une voiture qui n'a pas d'âge, une femme qui vit dans des espèces de musées à la maison. Elle est en photo avec les Clinton, elle adorait les Clinton, et inversement, il faut dire qu'elle leur ramenait beaucoup de voix. Oui, c'est pas vous savez mal, que Bill Clinton était gouverneur de l'Arkansas. Elle a des photos avec Barack Obama, c'est une vraie figure. Elle a réussi à obtenir un défilé pour le jour de Martin Luther King dans sa ville, pour Daisy Bates dont elle était très amie, et puis ça a été pour moi la porte d'entrée vers un monde qui théoriquement est fermé au blanc, parce que c'est aussi la réalité de cette histoire américaine. C'est une histoire très communautaire. Un blanc français qui vient s'intéresser à cette histoire, c'est aujourd'hui sinon... encore, là, actuellement? Oui, enfin, c'est sinon bizarre, voire louche, voire même un peu inquiétant pour eux. Et donc, il a fallu cet ange gardien, cette grand-mère globale, comme elle se surnommait elle-même, pour me guider dans ce dédale mémorial. Je vais un peu plus vite que je ne l'avais prévu, mais peu importe. Aujourd'hui, vous sentez encore des éléments de ségrégation dans cet état de l'Arkansas et d'une façon plus générale dans le sud des États-Unis? Quand Annie m'amène voir ses maisons, je suis dans des quartiers ultra défavorisés. Alors bien sûr, on n'est plus en 1957. Les trottoirs sont aujourd'hui avec du bitume. C'est plus de la terre battue comme en 1957. Bien sûr, les élèves noirs peuvent aller dans les établissements qui préalablement étaient réservés aux blancs. Tout ça est vrai. Mais d'un point de vue social, il y a un décrochage encore très net. Il y a une ségrégation de fait, en fait. Une ségrégation de fait. Et même, quand on regarde un petit peu les statistiques de la mixité raciale dans les établissements scolaires. Vous savez qu'aux États-Unis, on a le droit, contrairement à la France, de faire des statistiques ethniques, les noirs, les blancs, etc., les métis. Eh bien, on voit depuis 1980 un phénomène, et le terme est horrible quand on fait de l'histoire de la ségrégation raciale, un phénomène de reségrégation raciale. Reségrégation raciale. Alors bien sûr, je suis allé voir... le naturel, il revient au galop. C'est terrible, mais c'est un peu ça. Et je suis allé voir, évidemment, le lycée de Central High School, le lycée de cette histoire. Y a-t-il ou pas reségrégation raciale? Eh bien non. Et je termine mon livre en considérant qu'il fallait maintenir la dimension symbolique de ce lycée, quitte à en faire une exception. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Blackbird, fly into the line of a dark black night. Un extrait de Blackbird des Beatles à l'instant, le merle noir, des paroles qui s'inspirent du combat des Noirs américains. Et vous nous en parlez cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, avec votre invité Thomas Negaroff. Il est historien, il enseigne à Sciences Po Paris et il est l'auteur de Little Rock 1957, l'histoire de 9 lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique, paru chez Talendier. C'est Little Rock qui a inspiré les Beatles, en l'occurrence. En tout cas, McCartney a dit que... Plus tard, il a dit que Blackbird, c'était Elizabeth Eckford dans la foule qu'on évoquait tout à l'heure. Alors Elizabeth Eckford, on l'a beaucoup cité. Il faudrait citer Minnie Jean, Gloria, Melba, Thelma, Ernest, Jefferson, Terence et Carlotta. Voilà les noms de ces jeunes, de ces 9 lycéens qui sont l'objet d'un véritable bras de fer. Et c'est ce qu'il y a d'historique, si je puis dire, et d'intéressant dans l'histoire de ce mouvement antiségrégationniste, de cette lutte pour les droits civiques. C'est que c'est un bras de fer entre le gouverneur de l'État et le président des États-Unis en personne, qui est un républicain d'ailleurs, qui est Eisenhower. Un républicain comme était Lincoln. Comme était Lincoln d'ailleurs, oui, ce sont les républicains. Il ne faut pas oublier l'histoire du Parti républicain, qui est au départ une histoire anti-esclavagiste. Et Orval Phobus est un démocrate. Exactement. Les démocrates du Sud, c'était les plus racistes. Bien sûr. Et là, il y a une véritable personnalisation du conflit, si je puis dire. Ces deux hommes ont décidé de se faire la guerre, d'une certaine manière. Oui, comme plus tard George Wallace et John Kennedy par exemple, c'est vrai, il y a un bras de fer historique entre l'État fédéral et ce qu'on appelle les droits des États du Sud. Et quand vous avez cité Phobus qui à la télévision dit « nous sommes désormais un territoire occupé », ça résonne, guerre de sécession, bien sûr. Il y a l'idée, on est en train de bafouer les droits des habitants du Sud à refuser la déségrégation. Et il y a effectivement un bras de fer entre les deux. Eisenhower n'est pas une figure très importante des droits civiques, mais son pouvoir est mis en cause. Le droit défini par la Cour suprême est mis en cause. Et pour des raisons cynique quasiment, Orval Phobus va devenir le héros des ségrégationnistes. Je dis cynique parce que il a grandi dans une famille socialiste. Son père écrit même sous pseudo des lettres très agressives envers le gouverneur, donc son fils, parce qu'il ne l'a pas élevé comme ça. Sa femme veut s'enfuir à un moment donné. Enfin, il est pris dans des contradictions familiales. Mais qui est-il, ce bonhomme, ce Phobus là ? C'est un type qui a compris très tôt que s'il voulait conserver très longtemps le pouvoir dans le sud des États-Unis, il fallait qu'il organise le désordre et qu'il apparaisse comme l'homme qui peut permettre l'ordre et un ordre racial ségrégationniste de perdurer. C'est-à-dire qu'il considérait qu'il y avait quand même parmi tous ses électeurs une majorité de personnes favorables à la ségrégation ? Oui, absolument, et en particulier dans les campagnes. On est quand même, géographiquement, pour que les gens ça en tête, le Mississippi coule en partie dans l'Arkansas. On est dans ces anciens territoires, ces anciennes plantations cotonnières. Il y a vraiment une histoire de la ségrégation, une histoire de l'esclavage, et cette population pauvre blanche est très réceptive à ces idées-là. Alors ce qu'il faut dire, je l'ai dit d'un mot tout à l'heure, c'est que la ségrégation scolaire, elle va être supprimée aux États-Unis, mais il ne faudrait pas croire que ça se passe bien pour autant, notamment pour nos jeunes élèves là. Ça a été terrible en fait. L'année scolaire qu'ils vivent a été complètement pourrie, il faut dire les choses. Oui, alors il faut juste que nos auditeurs s'imaginent. Vous savez, les élèves noirs, les élèves, au lycée, on les livre sous le bras. Bah, tous les jours, vous avez quelqu'un qui vous donne un petit coup de pied sur les livres qui tombent par terre. C'est Ernest Green qui va à la douche après le sport et qui trouve sa serviette toute mouillée en sortant de la douche, ou quand il entre dans la douche, qu'il retrouve du verre brisé, du verre pilé sur le sol de la douche, il est en sang. C'est une jeune fille qui reçoit de l'acide dans les yeux, à qui on fait croire qu'on va tuer, qu'on fait croire qu'on va immoler, qui va aux toilettes et qui reçoit tout à coup des bandelettes de feu sur son visage. C'est ça la réalité quotidienne de ces jeunes gens. Et la décision du gouverneur Phobos de fermer carrément les écoles publiques. Oui, c'est quand même incroyable ça. Parce qu'à la fin de l'année 57, il n'y a que Ernest qui est entré directement en terminale. Donc il est le seul diplômé. Les autres ont encore une scolarité à vivre l'année suivante, et puis peut-être même des nouveaux élèves vont entrer. Et c'est là où Orval Phobos décide, presque unilatéralement avec son congrès favorable, le mieux, je vais fermer toutes les écoles publiques. Alors les élèves blancs peuvent aller dans le privé, peuvent aller suivre des cours par correspondance, mais les élèves noirs, beaucoup vont être déscolarisés, alors pas les nôtres. Hein, les 8 restants vont aller dans des familles plus loin, suivre leur scolarité. En fait, c'est même 8 moins 1 parce qu'il y a quand même une histoire à raconter. C'est que Minnie Jean a été renvoyée en cours d'année scolaire. Les blancs ont eu sa peau. Il faut imaginer, toutes les insultes, tous les coups de pied, les croche-pattes n'avaient qu'un seul objectif. La faire sortir de ses gonds. Les faire sortir de leurs gonds, oui. Et les faire entrer dans ce préjugé qui sont que les Noirs, décidément, ne sont pas intégrables. Mmh. Et Minnie Jean va faire cette erreur un jour, va balancer un bol de chili con carne sur le dos d'un élève blanc. Elle va être renvoyée pour cela. Oui. C'est quand même, on a une impression d'injustice, d'histoire écrite à l'avance. Enfin, c'est assez effrayant comme histoire, il faut bien le reconnaître. Oui. Est-ce que c'est un cas unique, cette affaire de Little Rock, ou est-ce qu'on a vu se reproduire ce même genre de cas dans d'autres établissements ailleurs dans le sud des États-Unis à cette époque? Alors, on a eu d'autres cas. Dorothy Counts, par exemple, au même moment, dans un autre lycée. Mais là, avec 9 élèves et avec une telle implication politique, avec quand même l'envoi de soldats, la fédéralisation de la garde nationale, tout ça fait quand même de l'histoire de Little Rock une histoire très atypique, qui est restée d'ailleurs quasiment sans témoin jusqu'en 1987. Vous imaginez, pendant 30 ans, oui. Les 9 n'en ont jamais parlé. Carlotta me racontait que ses enfants ont appris qu'elle faisait partie des 9, on en parlait à l'école, lorsqu'ils l'ont Ils ont fait la leçon d'histoire. Ils ont dit, mais c'est maman en photo. Ils n'en parlaient pas. Vous savez, dans l'histoire, on a aussi ça avec des rescapés des camps. Bien sûr. Silence, l'incapacité à en parler, l'humiliation. Enfin, il y a plein de phénomènes. En revanche, après, la parole s'est libérée. Et aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup aux États-Unis. Il faudrait réinsérer tout cela, bien sûr, dans l'histoire du mouvement pour les droits civiques qui vont advenir très peu d'années après. Et cette affaire du Little Rock s'inscrit elle-même 2 ans après la célèbre affaire de Rosa Parks, dont on avait déjà eu l'occasion de parler. Merci beaucoup Thomas Negaroff, il y aurait encore beaucoup à dire, mais je sais que Thierry Geffrotin est impatient de nous livrer son coup de cœur de la semaine et du week-end. Little Rock 1957, l'histoire des 9 lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique, c'est édité chez Talendier. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Alors, il y a quelques minutes, pour parler de la ségrégation des jeunes noirs aux États-Unis, nous avons écouté un titre Blackbird des Beatles. Eh bien, quand vous allez la réécouter chez vous, vous vous rendrez compte peut-être que ce morceau est inspiré de la bourrée en mi mineur de Johann Sebastian Bach. Eh bien, justement, on va parler de Bach maintenant sur Europe 1. Quelle harmonie dans cette programmation. Quelles harmonies au pluriel. Bonjour Thierry Geffrotin. Bonjour Franck. Vous nous parlez de Johann Sebastian Bach. Oui, à l'occasion. J'allais dire une fois de plus, c'est votre idole finalement. Ah ouais, c'est mon chouchou. Seb, comme je l'appelle, ou le vieux Bach. C'est un long week-end, un week-end à rallonge qui s'annonce à la Philharmonie de Paris du vendredi 30 mars au mardi 3 avril. Mais il faut bien un week-end à rallonge pour écouter du Bach. 12 concerts au programme. Et si j'ai choisi de vous en parler, si c'est mon coup de cœur, c'est parce que vraiment, si vous aimez un peu Bach, allez-y, vous ressortirez passionné de Bach. Je m'explique, vous allez entendre des sommets, notamment la des chefs-d'œuvre de la musique vocale occidentale, je pèse mes mots, la passion selon Saint-Jean. On voit qu'on approche de la période Pascal. Eh oui, je pense que d'ailleurs, c'est pas tout à fait un hasard s'il y a cette programmation flashback, puisque c'est le titre de ce week-end à rallonge. Alors, vous aurez évidemment de l'orgue, parce que Bach sans orgue, ça n'existe pas, avec un grand organiste, Bernard Faucroul, qui est encore directeur du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Et Bernard Faucroul a un très beau programme. Vous entendrez notamment une œuvre magnifique, la fantaisie et fugue pour orgue. Écoutez, c'est sublime. Thank you. Mais vous savez que Bach se prête à tous les traitements et les jazzmans sont passés par là, je pense à Jacques Loussier. En l'occurrence, c'est Brad Meldo qui fera à sa manière du Bach. Écoutez, c'est pas vraiment du Bach, c'est du Meldo, mais on y croirait, hein. Enfin. Il y a quelque chose. Hein. Oui. Et puis, une passion que l'on entend rarement, parce qu'en fait, on n'a pas grand-chose comme musique, c'est la passion selon Saint-Marc. On a deux grandes passions, Saint-Jean, Saint-Mathieu. Et Saint-Marc, alors, on sait que c'est en fait, Bach a été cherché dans ce qu'il avait déjà écrit. Et là, pour le coup, Jordi Savall a fait sa propre passion selon Saint-Marc, et c'est très beau. Et c'est du Bach, évidemment. Presque du Bach archéologique, si l'on veut. Eh oui, c'est ça. Merci beaucoup Thierry, ça s'appelle donc Flashback, hein, c'est tout le week-end à la Philharmonie de Paris, c'est même plus que ça en fait. Ça oui, ça commence le vendredi 30 mars et ça se poursuit jusqu'au mardi 2 ou 3 avril. Voilà. Merci. Vous n'avez que le choix, hein. Vous pouvez aimer Bach, je suis sûr. Oh oui, bah, comment ne pas aimer Bach. Je signale aussi, puisque nous recevions aujourd'hui Thomas Negaroff et qu'on parlait de Little Rock, que la semaine prochaine, du 19 au 25 mars, sera la semaine contre le racisme. Il fallait qu'on le dise, nous n'avons pas spécialement programmé l'émission pour ça, mais comme on dit, ça ne tombe pas mal. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.